chante toujours dans mon cœur lourd. Symphonie d'un soir de printemps, c'est toi que j'entends depuis longtemps. Tes accords ont gardé leur parfum. Je revois des souvenirs défunts. Symphonie, symphonie, je revois les rideaux fanés que pour nous aimer tu as fermés. Dans la nuit, tout comme autrefois, il traîne parfois un peu de toi. Et les mots et le son de ta voix, maintenant je les retrouve en moi. C'est fini, et j'entends, grande à l'infini, comme une harmonie, ma symphonie.